نعم في المجازين هذه ايماج اون كولور هذه دراجة ذات عجل ثلاث لابن الصغير دونك سيت موتو سو فيلو on dira plus je pense qu'il veut dire vélo plutôt parce que c'est un petit garçon puis même en fait moto ça se dirait al-daraja bukhariya du mot bukhar qui veut dire vapeur ou daraja nariya en fait ça c'est comme ça qu'on dirait une moto réellement mais aujourd'hui on a conçu on dit daraja tout simplement qui peut être aussi s'appliquer sur un vélo donc il dit ce vélo a trois roues et pour mon petit ou le petit mon fils le plus petit. Non. Là même s'il a pas dit el asrar, on comprend qu'en disant le sourire, c'est le plus petit qui veut dire. Vous voyez, même s'il a pas mis ils sont tofdil, on comprend qu'il a voulu dire par là son fils qui est petit. Thania achar, tilka al masajid ذات منائر عالية جميلة جدا. Donc ces mosquées ou ces masajid qui ont des minarets hauts ou élevés sont très beaux. Non, c'est pas vrai. Alors, تلك المساجد ذات المنائر العالية جميلة جميلة جدا. نعم. وهذا الكل مو صحيح. À la khilaf maison de Nas. Il y avait quoi d'autre? Non. Kawin Jumalan, Mustarmilan, Al-Kalimat Il-Atiya. Donc, tu dois faire des phrases en utilisant les mots qui sont cités en dessous. Dakhala. Dakhala Rajulul Bayta. Non. Bahatha An, qui veut dire chercher. Al-Talibu Bahatha An Kitabuhu. An. كتابها عن كتابه استنى بيكسا حرف الجر دونك مجهول طيب عن حرف الجر الاسبوع الماضي ذهبت الى مكة الاسبوع الماضي je te dirais oui et non الاسبوع الماضي je te dirais oui parce que eux ils t'ont demandé اسبوع مرفوع Mais je te dirais non, c'est dans ta phrase, Osbour, il ne peut pas être mal fort. Il doit être mal souple, ça va être un zarf de même. Osbour, elle m'a dit Non, mais il le voulait mal fort. T'as fait voir comment dans le texte ils l'ont mis La Hamna, pour la Tricodem. Là, ils n'ont pas mis. Mais en fait, pour eux, dans la phrase, si, il est majrour. Ce qu'ils ont dit, fil usbu'il mardi. Vous voyez, ils ont mis fil usbu'il mardi. Donc il est majrour dans le texte. Dans ta phrase, il est rejeté mansoub. Et eux, ils l'ont présenté marfoua. Khay, Inch'Allah. On ne va pas se prendre la tête. Al-Barihata. Sharibtu al-Qahwata al-Barihata. Wa man imtabad hala, ça. Et t'as pas dormi après. Ziyaratun. Qui veut dire visite. Zahabna li ziyarati Mekata. Mekata. Zou. Aina rajulu dhul qamisul abiyadu. Zou. Qamisi abiyadu. Naam. Nisfun. Qui veut dire moitié. Sharibtu nisful. Nisfa. Nisfa. Sharibtu nisfal. Finjani. طيب. J'ai bu la moitié de la tasse. Elle même s'entroule. Puis elle terce. La tasse, y'a. Inch'Allah. On voit. Nassoum Tawil. عندنا الطلاب عندنا وناس كثير على كلين انا ساقرا

ou le père de la mère, non, ou le père du père. La grand-mère, c'est Jedda, avec la thème al-Bouta. Ou al-Khurtoum, Asimatu, Soudan. Donc, Khurtoum, c'est la capitale du Soudan. Fahimta, as-tu compris? Al-Abdurrahman, Al-Fahimtu. Donc, il dit, maintenant, j'ai compris. Thumma fataha al-mudarrisu kitabahu wa qara darsan jadida. Donc, ensuite, Thumma, c'est ensuite, l'enseignant ouvra son livre et lut un nouveau cours. خلق الله الشمس والقمر والنجوم والأرض والبحار وخلق كل شيء وخلق الإنسان من طين ثم قام وكتب هذا الدرس على سبورة. Donc il a lu Allah a créé le soleil et la lune et les étoiles et la terre et les mers et il a créé toutes choses et il a créé l'homme de d'argile de terre. Ensuite il se leva et écrit le cours sur le tableau. رفع محمد يده وقال donc محمد a levé la main et dit ما معنى الطين يا أستاذ. Donc il dit que veut dire تين au professeur. Quand on dit ما معنى, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire. قال المدرس المدرس il dit الطين معناه التراب المختلط بالماء. Donc en fait تين c'est la terre qui est mélangée à de l'eau, c'est-à-dire de la boue, de l'argile. ورفع فيصل يده et فيصل leva la main. فقال له المدرس donc le modèle se dit عندك سؤال يا فيصل, as-tu une question au فيصل. قال فيصل نعم عندي سؤال. Il dit oui j'ai une question. البحار البحار attention البحار جمع البحر جمع البحر. Non, donc il dit est-ce que le mot بحار c'est le pluriel de بحر, la mer. قال المدرس نعم وكذلك, oui il en est ainsi. Comme El Hassan ou Wakal, donc Hassan s'est levé et dit Ma jam'ul sama'i ya ustad. Donc il demande quel est le pluriel de sama, le ciel, au professeur. Quand El Mudarrisu, jam'uha sama'wat. Son pluriel c'est sama'wat. Et sama'wat jam sama. Thumma sa'ala El Mudarrisu et Tulab, iddata as'ila. Puis l'enseignant posa plusieurs questions aux élèves. El Mudarris yakoul. من خلقك يا إبراهيم؟ كي تكري أو إبراهيم؟ خلقني الله. نعم. وكذي الله ما كري. دارس يقول من خلقكم يا أبنائي؟ كي وذكري أو مفيس؟ خلقنا الله. نعم. donc il dit جميع c'est tous ensemble. خلقنا الله. الله nous a créé. alors دارس يقول من خلقني يا عباس؟ كي ما كري أو عباس؟ خلقت الله. نعم. الله تكري. وسير لك تكري. المدرس يقول من خلق الشمس يا عبد الله كي يكري لسولي وعبد الله خلقها الله. نعم خلقها الله سير لك لكري كم تشوى شمس مؤنث. نعم المدرس يقول ومن خلق القمر يا عبد الرحمن كي يكري للون أو عبد الرحمن خلقه الله. نعم سير الله لكري كم تشوى باري قمر سي مذكر contrairement à notre langue. المدرس يقول ومن خلق النجوم يا أحمد كي يكري الزيتوال أو أحمد خلقها الله. نعم سيالك الزكري يعقوب أنت توجد توا يا أستاذ عندي سؤال ليست له علاقة علاقة بالدرس. donc يعقوب dit au professeur j'ai une question qui n'a pas de lien avec le cours. المدرس يقول ما هو qu'est-elle, c'est cette question. قَرَأْتُ فِي كِتَابْ أَنَّ النُّجُومْ أَبْعَدَ مِنَ الشَّمْسِ أَصَحِيحٌ هَذَا. Donc il dit, j'ai lu dans un livre que les étoiles sont plus loin que le soleil. Est-ce que cela est vrai? Donc il dit, نَعَمْ هَذَا صَحِيحٌ. Oui, cela est vrai. مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانُ يَا عُثْمَانُ. Et de quoi Allah a-t-il créé l'être humain au Othman? خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانُ مِنْ طِينٍ. نعم, Allah créa l'humain de terre. d'argile. Amdoris, Ahsanta ya Othman. Tu as bien dit, Othman. Ahsanta, ça traduit autrement, c'est tu as bien fait, tu vois, mais on doit le tourner dans ce qui correspond à la langue française. Omimma khalaqallahu al-janna ya Abu Bakr. Donc il dit de quoi Allah a-t-il créé les djinns au Abu Bakr. Khalaqallahu al-janna min nar. نعم. Allah créa les djinns de feu. Al-Mudarris, il dit